بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا arrivés au passage où l'auteur al-Barbahari رحمه الله تعالى cite les compagnons qui sont promis au paradis, les 10 qui sont connus. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. Le meilleur de cette umma, communauté après la mort de son prophète est Abu Bakr, puis Umar, puis Uthman. Et ce qui nous a été rapporté, par Ibn Umar qui a dit: nous disions en présence du messager d'Allah, le meilleur des gens après que le messager d'Allah, est Abu Bakr, puis Umar, puis Uthman. Le prophète nous entendait dire cela et il ne le rejetait pas. Je cherche l'explication de ces paroles-là. Il dit, Cheikh Fawzan, Fakahullah, Afdal al-Quran. القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le meilleur des siècles, la meilleure des générations, c'est celui ou celle où le messager صلى الله عليه وسلم il est apparu. Il est apparu, il est venu en tant que prophète messager. ثم الذين يلونهم. Puis ceux qui les ont suivis. ثم الذين يلونهم. Puis ceux qui les ont suivis encore par la suite. وهي القرون المفضلة. C'est ce qu'on appelle les siècles ou les générations qui sont favorisées ou qui sont les meilleures. وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم. Et les meilleurs parmi la génération favorisée, ce sont les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة يتفاضلون. Et les compagnons eux-mêmes, entre eux, il y en a des plus méritoires que d'autres. أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Le meilleur d'entre eux c'est أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي آمن بالرسول أول ما جاء صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, il a cru, il avait une ferme foi envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est venu, il a informé qu'il était prophète et messager. Wa azarahu, le mot azara c'est le mu'awana. Azarahu, c'est-à-dire qu'il l'a aidé, il l'a soutenu. De là vient le mot wazir, ministre. Ministre, il soutient le président. Wa dafa'a anhu, il l'a protégé ou il l'a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa anfaqa amwalahu fi nusratih, il a dépensé de ses richesses. Abu Bakr radiallahu anhu, il a dépensé de ses richesses pour secourir le messager. Wala zamahu hatta mat, il est resté à proximité de lui jusqu'à ce qu'il est mort. Qui est mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma tawalla al-khilafata min ba'dihi. Ensuite, il a pris le califat. Abu Bakr radiallahu anhu, il a pris le califat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qama biha a'zama qiyam. Et il s'est occupé de cela d'une manière véritable. وثبت الله به الدين. Et Allah il a raffermi la religion à travers lui. بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. Après que les gens, ils étaient totalement perturbés. أقدام الناس. أقدام, c'est pluriel de قدم. Pieds des gens, dans le sens qu'ils étaient totalement perturbés par la mort du messager صلى الله عليه وسلم. ثبته الله ثبت الجبال. Allah il l'a raffermi comme sont raffermis les montagnes. حتى ثبت به الأمة. À tel point que lui-même, Abu Bakr radiallahu anhu, il a raffermi la communauté. Pourquoi il parle de ça là? Thabbata bihi al-umma. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mort pour ta semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais payer la zakat. Ouais, ça c'était par la suite. En fait, les gens, Abu Bakr, quand il est sorti, et Omar il avait dit: si quelqu'un encore dit que le messager il est mort, je lui donnerai un coup d'épée. Abu Bakr radiallahu anhu, il est sorti, il a dit: celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Et celui qui adorait Allah, Allah il est vivant, il ne meurt jamais. Ensuite, il a cité le verset dans le Coran. Ensuite, il a cité le verset qui est dans sourate Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Surat 3, verset 144. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons. Quiconque retourne sur ses talons ne ruira ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Ce verset, quand il l'a cité, Omar l'a dit, c'est comme si j'avais jamais entendu ce verset. Hein, parce que c'est la chose, elle vient de se concrétiser. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, il vient de mourir. Donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons. D'accord ? C'est ça que Cheikh ici parle. Comme quoi les gens ils étaient perturbés, etc. Abou Bakr est resté ferme. Il a dit aux gens, celui qui adorait Mohammed, Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, Allah il est vivant, il ne meurt pas. Ensuite, il a cité ce verset. وَرَدَّ بِهِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْكُفَّارِ. Donc, ça c'est ce que le frère vient de citer là. C'est حُرُوبَ الرِّدَّةِ. Hein, les guerres qu'il y a eu de l'apostasie et notamment des gens qui ont refusé de donner la zakat. D'accord ? Il y en a par la suite. Parce que le califat d'Abu Bakr, il a duré combien de temps ? 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Hein, il a duré 27 mois au total. Le califat d'Abu Bakr, il n'était pas long par rapport aux autres. L'histoire de l'apostasie et de la zakat, c'est deux choses différentes ? Deux choses différentes. Hein. Mortadine, il y a des gens qui sont revenus sur l'islam et il y a des gens qui ont refusé de donner la zakat. Refuser de donner la zakat, c'est pas de l'apostasie à la base. Ah, ils ont converti en tant que musulmans ? Ouais, bien sûr. Non, c'est pas du l'apostat parce qu'ils ont refusé de piller. Ils ont rejeté à piller. Là. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de qabail autour de Médine ou ailleurs qui sont revenus sur l'islam. Ils ont apostasié, ils sont sortis de l'islam. Et il y a des gens qui sont revenus sur l'islam. Parce qu'il est mort. Eh, ils sont revenus sur l'islam. Ils ont apostasié, ils sont sortis de l'islam. Hua harabhem, Hua les a combattus. Il y avait les gens qui refusaient la zakat. Le Cheikh Abdel Moussin Abed l'a parlé ça dans le 49. C'est pas kufr, non. Al sahih ibn aqwal al-ilm, c'est pas de la mécréance, c'est-à-dire ça fait pas sortir de l'islam. Ils ont refusé la zakat, bita'wil, au moins ils ont interprété le verset. C'est pas changer la loi. Au moins ils ont interprété le verset dans surat Tawba. Allah il a dit khudh min amwalihim. Il a dit à son prophète, prends. Je vais vous citer le verset. Voilà, Kullin, verset, je ne sais pas où il est exactement. Dans surat Tawba, prends de leur bien une aumône, à travers laquelle tu vas les purifier et invoque en leur faveur. Ce verset-là, les gens, ils ont dit, Allah, il a dit à son prophète, il parle à son prophète, il lui a dit, prends de leur bien. Et ils ont dit, Abou Bakr, toi, tu n'es pas un prophète. On ne te donne pas à toi, on te donne pas à toi la zakat. Lakin, le Murtaddin et Qadiyat al-Zakat, c'est deux choses différentes. D'accord ? Wafik barakallah. Fawattada l'islam ba'da wafati al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de qui là ? Abu Bakr radiallahu anhu. Tout ça, c'est les mérites d'Abu Bakr. Il a tawtid, c'est solidifier ou raffermir ou renforcer. Par exemple, ils disent tawtid al-alaqa bayn al-baladayn. Renforcer les relations entre les deux pays. Tawtid. Donc il a renforcé l'islam après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam. ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Ensuite, توفي, il est mort Abu Bakr radiyallahu anhu, il a été enterré avec le messager alayhi salatu wa sallam. فهو صاحبه حيا وميتا. Donc c'était son compagnon aussi bien en état de vie qu'en état de mort. وهو صاحبه في الغار. Et c'est lui qui était à ses côtés dans Al-Ghar, dans la grotte. قال تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Le verset, surat Tawba, surat 9, verset 40. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Comment s'appelle cette grotte là où ils étaient? Là. Ghar Hira, c'est là où il y a la révélation qui est descendue. On a dit que c'est pas la même grotte là où ils étaient, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la révélation elle est descendue et quand il... Non ? Quand il s'est caché. Qui fait ce mot ? Ghar Thawr. On a vu ça dans Mukhtasar Zad Ma'ad, du jeudi. Ça s'appelle Ghar Thawr. La grotte de Thawr. Taïb. Donc, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants disent le seul compagnon qui est cité vraiment en tant que compagnon dans le Coran, il n'y a que Abu Bakr. Hein? Ici dans le verset, il yaqulu li sahibihi, lorsqu'il dit à son compagnon. D'accord? Qal fahum fahuwa afdalul umma thumma yali. Donc c'est le meilleur de la communauté. Puis il y a yalihi, après cela il y a Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Abu Bakr, il fait partie, le cheikh il l'a pas cité mais c'est connu. Abu Bakr, c'est le premier homme qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Premier parmi les hommes. Le premier parmi les femmes, on a dit c'est Khadija, sa femme. Le premier parmi les enfants, c'était qui? Ali. Ali ibn Abi Talib. Et le premier parmi les esclaves? Bilal. Bilal, comment il s'appelle Bilal? Les noms composés. Les Arabes, ils sont les noms composés. Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, le Habashi. Et le premier parmi les Mawali, c'était Zayd. Zayd ibn Haritha. C'est quoi le Mawali? C'est un esclave qui a été affranchi. Quelqu'un qui a été acheté, on lui a redonné sa liberté. Comme Bilal à la base. Bilal à la base, il était esclave quand il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Abu Bakr l'a acheté, il lui a donné sa liberté. Thumma yalihi Umar ibn Khattab, thani al-khulafa. Donc, deuxième calife, c'est Umar. Umar s'est converti quand? Six ans après la révélation. En l'an 6 de la révélation. C'est-à-dire en l'an 6, quand ils étaient encore à la Mecque, il s'est converti. Thumma yalihi Uthman, radiyallahu anhu. Uthman, il fait partie aussi des premiers, parmi les premiers compagnons qui se sont convertis à l'islam. Uthman ibn Affan. Il a fait les deux hijra, il est parti à Habasha, il est parti à Médine. Thumma yalihi Ali, radiyallahu anhu. Ali, on a dit, c'est le premier des enfants, parce que Ali, il était jeune, il avait une dizaine d'années à peu près, quand il a accepté l'appel et le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. هؤلاء الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. Voilà donc les quatre califes bien guidés. Le premier, Abu Bakr Abdullah ibn Uthman. Deuxième, Abu Hafs Umar ibn Khattab. Troisième, Uthman ibn Nourain, Uthman ibn Affan. Et quatrième, Ali ibn Abi Talib. Inch'Allah. Abu Bakr, c'était combien de temps? On l'a dit avant. Hein? Deux ans, trois mois. Et Omar, le califat, son califat, il a duré 10 ans et 6 mois. Uthman, il a duré 12 ans, son califat. Très bien, il y a quelques jours près. Et Ali, 4 ans et 9 mois. 36, 89. Omar, 10 ans et 6 mois. Depuis l'année 6 mois. Ah. Il a cité que les 4. Hassan. C'est bon? Thumma baqiyatul ashara al-mufaddalin al-mashhud lahum bil jannah. Ensuite, après ces 4, donc ça c'est les 4 meilleurs compagnons. D'accord? C'est les 4 meilleurs compagnons. Il y a unanimité là-dessus chez les savants. Sauf petite minorité comme Ibn Hazm qui dit que les femmes du prophète ils sont meilleures que Abu Bakr, que Omar, que Uthman, que Ali. Le Cheikh l'Islam de Taymiyya, il a dit hada kalam mardout. Il dit c'est une parole à rejeter. Parce que il y a unanimité des savants, comme il a rapporté l'imam al-Kirmani rahimahullah, qu'il y a unanimité des savants sur le fait que ce sont ceux-là et les meilleurs compagnons. Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Ensuite, après cela, il y a thumma baqiyatul ashara al-mufaddalin al-mashhud lahum bil jannah. Ensuite, le reste des 10. Le reste des 10, il vise les 10 compagnons qui sont promis au paradis. Qui sont promis au paradis. Mashhud lahum bil jannah, c'est-à-dire on a témoigné en faveur du paradis. Wa humu al-khulafa al-arba'a. C'est qui ces 10 compagnons? Les 4 premiers sont les 4 califes bien guidés, ma'roufin, comme on vient de voir à l'instant. Wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc Sa'd, compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. On a dit l'autre fois que ils disent aussi dans certains écrits Sa'd ibn Malik. D'accord? Sa'd ibn Malik. Parce que son Abu Waqqas, hada, il s'appelle Malik. Il demande à Cheikh Abdel Sadhan en Angleterre, il nous a dit ça. وسعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيل. هذا c'est celui-là qui fait partie de la famille de Omar. Hein? Il fait partie de la famille de Omar. Puisque Omar ibn Khattab, il s'appelle Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl. Et celui-là, il s'appelle Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. D'accord? Talha ibn Ubaidillah. Al-Zubayr ibn al-Awwam. Wa Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah. Wa Abdurrahman ibn Awf. Voilà les six. Je répète. Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubayr ibn Al-Awwam, Abu Ubaida Amir ibn Al-Jarrah, Abd al-Rahman ibn Auf. فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة. Voilà les dix compagnons qui sont promis au paradis. شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. Ces choses-là, c'est le domaine de l'invisible. Il n'y a personne qui peut dire un tel il est au paradis, un tel il est en enfer, sauf si on a une information divine. D'accord ? Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a témoigné en leur faveur du paradis. Vous voyez ici, shahid alayhum ar-rasul bil jannah. Le prophète, il a témoigné qu'ils étaient au paradis, donc on peut dire que ces compagnons-là, ils sont au paradis. Fahum afdalu sahaba. Voilà les meilleurs des compagnons. Ces six sahaba, ils ont quelque chose de spécial, ils ont été premiers à faire jihad ou est-ce Ils sont de Quraysh, tout ce que c'est là, c'est que c'est compagnon de Quraysh. C'est pour combien qu'ils sont Non, il va s'étaler un petit peu là-dessus. Il dit Dalil ala hada, la preuve qui prouve que ces compagnons-là sont promis au paradis. قال النبي عليه الصلاة والسلام Abu Bakr في الجنة. Hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr est au paradis. Wa Umar في الجنة. Umar est au paradis. Wa Ali في الجنة. Ali est au paradis. Uthman في الجنة. Uthman est au paradis. Talha في الجنة. والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. Donc les dix compagnons qui sont cités. Hadith on a dans la marge. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه وغيرهم. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son livre المسند, l'imam al-Tirmidhi dans son livre السنن, ibn Hibban dans son authentique الصحيح et d'autres également. ثم من بعدهم, après ces dix compagnons là, أصحاب غزوة بدر, les compagnons qui étaient là à la bataille de Badr. Bataille de Badr a lieu en l'an 2. D'accord. Pourquoi ils ont un fadl les compagnons qui étaient à la bataille de Badr? Parce que c'est venu dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah il a dit aux gens qu'ils étaient à la bataille de Badr, ils étaient 310 et quelques. Faites ce que vous voulez, je vous ai d'ores et déjà pardonné. ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار. Ensuite, les gens qui ont fait pacte d'allégeance. بيعة الرضوان, celle qui est citée dans Sourate Al-Fath. C'était le pacte Hudaybiya. لقد رضي الله. نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. C'est ça, بيعة الرضوان. Sourate 48, verset 18. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Ensuite, ils mettent dans la marge la prestation de serment eut lieu à Hudaybiyah près de la Mecque. Hudaybiyah, c'est dans la limite de Haram, hein, à côté de la Mecque. Ce pacte-là, il a eu lieu quand? Il a eu lieu quand ce pacte-là? Hudaybiyah, ça s'est passé quand? Non? De quelle année? 8? C'était la conquête de la Mecque. L'an 6. Non. L'an 6 de l'Égypte. D'accord? بيعت الرضوان من المهاجرين والأنصار ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح. Ensuite, ceux qui se sont convertis à l'islam et qui ont émigré avant la conquête. Avant la conquête de la Mecque. Qui a eu lieu en l'an 8. Ramadan en l'an 8. أفضلوا من الذين أسلموا وهاجروا بعد الفتح. Ils sont meilleurs que ceux qui se sont convertis et qui ont émigré après la conquête. وهم يتفاضلون رضي الله عنهم. Donc en fait, ils ramènent ça pour montrer quoi? Qu'il y a une différence de mérite entre les compagnons eux-mêmes. حسب سابقتهم في الإسلام. Selon, quand est-ce qu'ils se sont convertis, quelqu'un qui s'est converti au début, quand les choses elles étaient difficiles, etc. C'est pas pareil que quelqu'un qui s'est converti par la suite, quand tout allait bien, si on peut dire comme ça. حسب سابقتهم في الإسلام. ومقامهم في الإسلام. Et selon la place qu'ils avaient dans l'islam et les rôles yani, qu'ils ont eu dans l'islam. ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد. Et ils ont un mérite que personne ne peut atteindre. après eux. C'est quoi ce mérite? Il dit وَهِيَا الصُّحْبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est quoi ce mérite? C'est le fait d'avoir accompagné le prophète صلى الله عليه وسلم. Le verset qui montre que les compagnons qu'ils ont émigré avant la conquête, ils sont meilleurs que les compagnons qu'ils ont émigré après. Je vous le donne. Le cheikh il n'a pas cité, je vous le donne. Dans surat 4, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, leur accordant une rétribution immense. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى. C'est parmi les versets qui montrent ça. D'accord. Donc il dit le mérite qu'ils ont, qui n'est pas, que personne ne peut atteindre après eux, c'est quoi? As-suhba. C'est le fait d'avoir été, d'avoir le grade de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والهجرة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة le fait qu'ils ont émigré. فالمهاجرون أفضل من الأنصار. Les Mekwa qui sont partis, qui ont laissé leur terre et qui sont partis, ils sont meilleurs que les Ansar, les Médinois, qui les ont accueillis. هذه فضيلة عامة لجميعهم. Mais il dit, ils ont un mérite qui les réunit tous, qui est quoi? الصحبه, c'est tous des compagnons. لا يبلغها أحد ممن جاء بعدهم. Personne ne peut atteindre ce degré-là parmi les gens qui viennent par la suite. C'est pas pour chaque Mekwa est meilleur que chaque Médinois. C'est qu'il parle de Sohba, tu vois. Au-dessus, il parle Sohba. Ensuite, il montre que le Muhajiroun afdal l'Ansar. Tu vois, la deuxième caractéristique, l'Hijra. Tu vois, il parle de Sohba et l'Hijra. C'est des compagnons et il y en a qui ont émigré. Donc ceux qui ont émigré sont meilleurs que ceux qui n'ont pas émigré. Et ensuite, il dit هذه فضيلة عامة لجميعهم. Mais ce sont tous des compagnons. Ils ont tous le Sohba, yani. فهمت؟ والله أعلم. Parce que derrière il dit لا يبلغها أحد ممن جاء بعدهم. لا يبلغها, لا يبلغ فضيلة الصحبة. Personne n'atteindra ce mérite là qui est le fait d'être un compagnon du messager par la suite. فهم أفضل القرون وخير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. Il dit donc ce sont les meilleurs des générations et les plus méritoires des générations رضي الله عنهم وأرضاهم. فالذي يطعن فيهم أو يبغضهم كافر بالله. Il dit celui qui les déteste, celui qui yat'an, ta'an n'a dit c'est qui voilà, qui dénigre, qui les dénigre, est un mécréant. Yann Allah atna alayhim wa madahahum. Parce que pourquoi il dément Allah? Allah il a loué ses compagnons, atna alayhim, il a fait leurs éloges, wa madahahum, il les a complimentés, wa khtarahum, il a choisi ces gens-là, li sohbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pour accompagner son prophète محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يتنقصهم كافر بالله عز وجل. Celui qui يطعن, qui dénigre les compagnons, ou bien qui les déclare comme étant des mécréants, ou bien qui les avilie, est lui-même un mécréant. بالله. مكذب لله ولرسوله. Parce qu'il dément tout ce qu'Allah et tout ce que son messager ils ont dit à leurs propos. لأن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سورة التوبة سورة 9 verset 100. Donc il dit le sens, les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. وقال, il dit aussi لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. C'est le verset qu'on a lu avant, سورة 48 verset 18. قوله, donc l'auteur de nouveau البربهاري رحمه الله عليه dit هكذا هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان. Et c'est ce qui nous a été rapporté par ابن عمر qui a dit nous disions en présence du messager d'Allah les meilleurs des gens après le messager d'Allah, Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. حديث دي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم. Il est donc hadith rapporté par al-Bukhari dans la marge authentique. Abdullah ibn Omar a cité que, il dit, nous étions à l'époque du messager sallallahu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne considérions quelqu'un équivalent à Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, et ensuite tous les compagnons avaient le même stade pour nous. Amma Abu Bakr wa Omar fa hada ijma'. Concernant le mérite, le caractère plus méritoire de Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar radiyallahu anhu, il dit là-dessus il y a unanimité, il n'y a pas de discussion. Concernant le fait de dire est-ce que Uthman il est mieux que Ali ou Ali il est mieux que Uthman, ça c'est un sujet de khilaf, c'est un sujet de divergence. بعضهم يفضل عثمان وبعضهم يفضل علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم وأرضاهما. Donc il dit certains ils privilégient Uthman, certains ils privilégient Ali. أما أبو بكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين. Concernant Abu Bakr et Omar, ce sont les meilleurs de cette communauté après le prophète, avec à ce sujet-là unanimité des musulmans. هذا في الفضيلة. Ça, c'est concernant le caractère qui est le plus méritoire, Abu Bakr puis Omar. أما في الخلافة, et concernant le califat, ce qui était plus méritoire d'être calife, etc. فلا بد من هذا الترتيب. Il faut impérativement respecter l'ordre suivant. Abu Bakr, ثم عمر ثم عثمان ثم علي. D'abord Abu Bakr, puis عمر puis عثمان puis علي. فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو ضال. Celui qui dénigre le califat d'un de ces quatre-là, il est ضال, il est perdu. يقول شيخ الإسلام في الوسطية. Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit dans son écrit Al-Aqid Al-Wasitiyya, il dit من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. Il dit celui qui dénigre le califat d'un de celui-là, il est plus égaré que l'âne de sa famille. لأنه مخالف لإجماع المسلمين. Pourquoi? Parce que tout simplement il s'est dressé devant une unanimité. Quand il y a unanimité sur quelque chose, on ne peut pas ramener une parole, une autre parole. Les musulmans ils sont unanimes sur le fait de faire devancer Abu Bakr sur le khilafa, sur le caractère du califat. C'est lui qui est plus méritoire de prendre le califat avant les autres. Puis Omar après Abu Bakr. Puis Uthman puis Ali. فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة هذا حتى من أبي بكر. Celui qui fait devancer Ali et qui dit qu'il est plus méritoire d'être le calife, même يعني il dit quelqu'un qui dirait qu'il est plus méritoire que Abu Bakr, ويقول إن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي, et le fait qu'ils disent que الخلافة le califat après le messager صلى الله عليه وسلم c'est pour Ali. لأنه وصي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة, car c'était membre de sa famille, il avait une certaine proximité, etc. Donc c'est lui qui doit être le calife. ولكن أبو بكر والصحابة ظلموه, et ceux qui disent que Abu Bakr et les autres compagnons ils ont été injustes envers Ali, وأخذوا الخلافة منه, et ils lui ont pris يعني la place du calife. هذا تضليل للأمة. Il dit ça c'est, t'es en train de rendre toute la communauté comme étant perdue. والعياذ بالله ومخالفة للنصوص الواردة في ترتيب هؤلاء الخلفاء. Et c'est tu es en train de contredire clairement les textes qui sont rapportés sur le fait d'établir un ordre bien précis pour les califes. فالترتيب في الخلافة محل إجماع محل إجماع. C'est pas deux dhamma, c'est deux kasra, corrigé. Donc le fait de respecter l'ordre dans le califat, mahallu ijma', ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion dessus. Il y a discussion sur quoi? Sur le fadl, sur le mérite. Est-ce que Uthman il est mieux que Ali ou Ali il est mieux que Uthman? Ça c'est un sujet de discussion où les savants ils ont divergé. Par contre le fait de dire que Uthman, que Ali il devait prendre le calife avant Uthman, ça c'est faux. Amma tartib fil afdaliya bayna Ali wa Uthman fa hadha mahallu khilaf. Wa as-sahih anna Uthman afdal. Jumhur ulama la majorité des savants, les Ahl Sunna, ils disent que Uthman, il est meilleur que Ali. لأن الصحابة وفيهم علي رضي الله عنهم اختاروه خليفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, il y avait Ali parmi eux. C'est eux qui ont choisi Uthman en tant que calife. وعلي موجود. Ali, il était existant. Hein, il était vivant, il était existant. واختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل. Le fait que les compagnons ont choisi Uthman, ça montre que Uthman il est meilleur que Ali. Wa yaqulu Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf a dit: "Ra'aytu an-nas la ya'diluna bi Uthman." J'ai vu que les gens ne donnaient pas d'équivalent à Uthman. Fa dalla 'ala annahu afdal. Ça montre donc qu'il est plus méritoire. Voilà. Quel calife? L'ordre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons se sont mis d'accord sur Abu Bakr. Abu Bakr l'a désigné Omar. Omar, il a dit à Ahl al-Shura, six compagnons, de se réunir et de choisir un calife. Et choisir Uthman. C'est comme ça qu'ils ont choisi Uthman. Non? Il a dit à Ahl al-Shura de se réunir. Les compagnons qui se faisaient la consultation entre eux. Parmi eux, avec Ali. Il y avait Sahaba Kulhum Sharfman. Lakin, ils se sont réunis, ils ont discuté sur ce sujet-là, ils ont choisi Uthman. Il n'y a pas Hadith l'année où le prophète Sam a décrété et donné l'ordre et là. Mais Lakin Tafko, ils se sont tous mis d'accord sur Qadiyat al-Khilaf après la mort du prophète Sallam sur Abu Bakr. Parce que le Hadith qu'on a lu avant, c'est étonnant parce qu'il suit le même. Sur les 10 là. Il y a hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Abu Bakr wa Umar yarshudu. S'ils obéissent à Abu Bakr et Umar, ils seront sur la droiture. Mais quand tu vois le hadith là, en tout cas dans la version qui est citée ici, il y a Ali, il est avant Uthman. Abu Bakr fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Ali fil Jannah. Comme il a dit le Cheikh l'Islam dans le Wasatiyya, si tu fais prévoir. Si tu fais primer Wishmu Ali avant Uthman, la personne la yudallal. Lakin ce qu'ils font Rafidah par exemple, le fait de dire que Ali afdal, il est meilleur que tous les autres compagnons, et que Abu Bakr et Omar ils ont été injustes envers Ali, etc. Ça c'est dalal. Les khalifas sont passés entre morts, c'est ça, dès qu'il y en a qui meurent, Ali, Après la mort, le suivant il prend la. Et à Shubha, le Rafida, ils disent que le prophète, sallam, quand il est parti à Ghazwat Tabouk, elle a eu lieu en l'an 10. Avant de partir, il a dit quoi? Il a dit Ali. Ali lui a dit de rester à Médine. Il lui a dit Ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun li Moussa. Il a dit: est-ce que tu voudrais pas être pour moi comme Harun il était envers Moussa? Rafida, ils ont dit: Harun et Moussa, Anbiya, c'est des prophètes, l'un à l'autre. Yani, hada khalafa hada. Moussa, il est parti, il a laissé Harun en tant que un califat derrière lui. Donc ils ont dit, ce texte-là, il montre comme quoi Ali, c'est lui qui est le plus méritoire de le khilaf. Ahl sunna, l'ulama, ils ont dit là. Et Cheikh Salah Fouzan, la parole de Haïa dans d'autres kutub, il a dit que Moussa, quand il est parti, il a laissé Harun dans son peuple. Moussa, quand il s'est pas, il s'est absenté 40 nuits ou 40 jours. Il a laissé Harun khalafahu fi qawmih. Il l'a laissé en tant que comme représentant derrière lui. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est pas mort là. Il est parti à Ghazwat Tabouk et il a dit, pour soulager Ali, il lui a dit: ne voudrais-tu pas être pour moi comme a été Harun à Moussa. Qu'est-ce qu'il a fait Harun avec Moussa? Il l'a succédé pendant son absence. Voilà yani le ma'na de le sens de hadith hadi. Et quand il lui a dit: ne voudrais-tu pas voir la place que Harun il avait avec Moussa? Ghayra annahu la nabiyya ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin du hadith: tout en sachant qu'il n'y a pas de prophète après moi. Harun c'est un prophète et Moussa c'est un prophète. D'accord? Donc Ali, on peut pas dire Ali c'est un prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, il l'a laissé en tant que, si on peut dire, représentant derrière lui. Il l'a laissé à Médine, il lui a demandé de ne pas venir avec eux à la bataille de Tabouk. C'est bon? Je vois, il y a un nombre précis de personnes. Sitta, min al-Sahaba. Non, non. Eh, Abu Bakr, ils étaient tous mutafqin. Omar, quand il est mort, il a demandé à ce que Ahl Shura ijtam'u et ils choisissent un khalifa après lui. Non, je parle quand il y a eu la mort du prophète. C'est combien de personnes se sont réunies pour dire voilà, on a choisi Abu Bakr. كانوا مجتمعين tous ils étaient unanimes même Cheikh Jaz El Johan حكينا une fois le موضوع هذا قال لي قضيه الخلافه ça s'est fait très vite ils ont vu que Abu Bakr était tout le temps avec lui c'est lui qui est cité dans le Coran en tant que sahabi c'est lui qui l'accompagnait pour le hijra c'est lui que Allah il l'a refermé alors que les gens ils étaient complètement abattus etc le khilafa le califat il s'est très vite fait sur le choix non voilà comme imam pour la prière par exemple c'est lui qui dirigeait la prière. Donc ça s'est fait très rapidement. Qadiyat al-Khilafa, ça s'est fait très rapidement. C'est Omar, c'est Abu Bakr qui l'a désigné. Parce qu'il dit c'est Chouba pour dire voilà la preuve des élections. Ils sont tous réunis, ils ont désigné un. Là, là, Al-Shura, comme ils ont dit, ça c'est un autre sujet, les élections ou la Shura. Shura, c'est des compagnons, c'est Ulama, parmi les compagnons, qui se sont réunis pour discuter qui choisir. Qui choisir pour le bien-être de toute la communauté. Amma hadith hadith ana madinatul ilmi wa aliyun babuha hada hadith mawdu' hada hadith mawdu' c'est un hadith qui est inexistant. Le hadith qu'on entend des fois, hadith je suis la ville de la science, le prophète il aurait dit je suis la ville de la science et Ali est sa porte. Hada hadith mawdu'. وذكرنا الشيخ جاز الجهني كي زيتي لا موسكي قباء اي ان رافضي كي فينو هضر معاه اي لا بارلي افيك لوي الشيخ ابراهيم الرحيلي لو غادي يعني بوكو يعني فوزافي ان سيغتين انيميتي افيك الرافضه افيك لي شيت اكسيتيرا alors que le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même il a dit انا مدينه العلم وعلي بابها et الشيخ قال لنا il y a un petit enfant à côté un petit garçon tout petit. Il lui dit à Fulan, il lui dit un tel, il lui dit hadith moudou, il lui dit hadith il n'existe pas. Le cheikh lui dit écoute, qu'est-ce qu'il a dit l'enfant. Après il lui dit viens, je te donne un bonbon. Hadith hada, ذكر Othman Khamis dans un livre sur les compagnons, et Adad, il a cité nombre de savants qui l'ont déclaré moudou. Hadith hada, il est inexistant. D'accord. Donc de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le mérite, Abu Bakr, puis Omar, puis. Entre Uthman et Ali, il y a une divergence. Jumhur al-ulama, ils disent, la majorité des savants, ils disent que c'est Uthman, il est mieux que Ali. Mais si quelqu'un, il fait promouvoir, il fait prévaloir Ali sur Uthman, il n'est pas, il n'a pas tort totalement. Par contre, sur le califat, c'est Uthman qui prime sur Ali. D'accord. Et le Khatan, il a un long passage sur, dans Nounia, sur le passage des compagnons. Très beau passage. Où il cite justement le califat de chacun, comment il s'est fait, etc. Voilà, nous allons, Inch'Allah, on continue. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين. Puis les meilleurs des gens après eux sont Ali, Talha, Al-Zubayr, Sa'd ibn Waqqas, Ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abdurrahman ibn Auf, Ibn Auf, Ibn Abu Ubayd, Amir ibn al-Jarrah. Non. عبد الرحمن بن عوف et après أبو عبيدة عوف et أبو عبيدة عامر بن الجراح chacun d'eux était approprié à être califat. Ensuite les meilleurs des gens après eux sont le reste des compagnons les messagers d'Allah la première génération pour qui il a été envoyé des premiers parmi les muhajirines et les ansar ceux qui ont prié vers les deux qibla. شرح إكسبليكاسيون أي أفضل الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. Donc il dit les meilleurs compagnons après les trois premiers califes sont le reste des dix. Le reste des dix, donc ce qu'on vient d'entendre à l'instant là, qui sont les dix qui sont promis au paradis. Et هؤلاء هم الذين ذكرهم المؤلف. C'est ce que l'auteur il a cité. Il y a plus que 10 compagnons qui ont été promis au paradis avec leur nom, mais lui fait allusion au hadith qu'on a vu avant, où un tel est au paradis, un tel, etc. Sinon, il y a d'autres compagnons qui sont promis au paradis. Bi'ayanihim, ça veut dire eux-mêmes, yani leur nom, ils ont été cités. Wa qawluhu kulluhum yaslahu lil khilafa. Chacun d'entre eux mérite un cas. Était approprié à être califa. Ay ashab al-shura alladhina fawwada ilayhim Umar ikhtiyar al-khalifa min ba'di. Voilà, ici il le cite clairement. Il dit ashab al-shura, les compagnons que Umar radiyallahu anhu il a désigné pour choisir le calife après lui. D'accord. Yann Umar lamma hadaratuhu al-wafat ja'ala ash-shura fi ikhtiyar al-khalifa. Umar, quand la mort s'est présentée à lui, parce que vous savez qu'Omar a été assassiné, hein, Salat al-Fajr, il était en train de prier Salat al-Fajr, et Abu Lu'lu al-Majusi, c'est un Majusi qui l'a poignardé. D'accord? Pendant Salat, il a déterminé des personnes qui doivent faire Shura, donc la consultation, se consulter entre eux, pour le choix du calife. Yarji'u ila ha'ula al-baqin, c'est eux qui doivent trancher. Lianna kulla wahidin minhum yasluhu lil-khilafa. Chacun d'entre eux, il est capable ou il est apte à diriger les musulmans. فَرَدَّ الْأَمْرَ إِلَيْهِمْ فَاخْتَارُوا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Il a fait en sorte qu'ils se consultent entre eux. Ils ont choisi Uthman ibn Affan. Ils ont ressemblé avant de se faire connerter. Umar, sur certains points, كان يستشير الصحابة. Il consultait des compagnons. قَوْلُهُ الْقَرْنُ الْأَوَّلْ مِنَ الْقُرَانِ الْمُفَضَّلَةِ وهم القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. Donc la première génération parmi les générations qui sont méritoires, c'est la génération où le prophète صلى الله عليه وسلم il est apparu et بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. Où le prophète صلى الله عليه وسلم il est apparu, il a été envoyé à eux et les gens qui ont cru en lui. والأصحاب جمع صحابي. أصحاب, donc c'est le pluriel de sahabi, hein? On ne dit pas un sahaba. Sahaba c'est pluriel. On dit un sahabi, des sahaba. Wa sahabiyu, définition du compagnon, comme on l'a vu plusieurs fois. Man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui, qui a cru dans le sens que il a déclaré prophète, messager, etc. Et il est mort sur cette conviction. On a dit qu'il y a une divergence sur la définition du compagnon. Lakin la plus citée par l'ulama, celle d'Ibn Hajar, qu'il a cité dans Nukhbat al-Fikar, ou bien il s'est étalé encore plus dans l'Isaba, son livre l'Isaba fi tamyiz al-Sahaba. قال فالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ليس صحابيا. Donc maintenant, attention, les définitions c'est très précis. Quand tu as un élément dans une définition, c'est un élément qu'il faut impérativement qu'il soit concret sur la personne, qui rencontre le prophète et qui croit en lui et qui meurt sur ça. Il rencontre le prophète, il a cru en lui, il est mort sur cette croyance. Maintenant, il donne des exemples des gens qu'on pourrait croire c'est des compagnons, mais c'est pas le cas. فَالَّذِي آمَنَ بِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْقَهُ لَيْسَ صَحَابِيًّا. Celui qui a cru au prophète صلى الله عليه وسلم, mais il ne l'a pas rencontré, ce n'est pas un compagnon. Comme كَالنَّجَاشِي. Najashi c'est Négus. Négus, le roi de le roi de l'Abyssinie, hein, il était chrétien au début. Innama yu'tabaru min at-tabi'in, il fait partie des successeurs. Et le cheikh il a pas cité, ikhtisaran, il fait partie de l'mukhadramin. On appelle ça l'mukhadramin, les gens qui ont vécu à son époque mais qui ne l'ont pas rencontré. Ils font partie, mukhadramin, c'est une catégorie entre les compagnons et les tabi'in, et on les rentre dans la catégorie des grands tabi'in. C'est ça qui est connu. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont été cités. J'ai pas de nom là en tête. Il y a Allahu a'lam al-Walid ibn Muslim. Il y a Ibn Kathir rahimahullah dans un. Comment il s'appelle le livre qu'il a fait sur Mustalah? Je me rappelle, tu as dit Muslim, c'était une vingtaine. Non, c'était 19 ou 20. Ibn Kathir rahimahullah, il les a cités dans. Je donnerai après le titre, Inch'Allah. Un livre sur Mustalah al-Hadith, où nombre de personnes qui font partie de Mukhadramin. Ils ont vécu à l'époque du prophète, mais ils ne l'ont pas rencontré. Pourquoi les savants ils cherchent ces choses-là? Parce que quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète et qui ne l'a pas rencontré, déjà, il n'a pas le mérite des compagnons. Et deuxièmement, quand il rapporte quelque chose du prophète, il lui faut un intermédiaire. Il ne peut pas dire le prophète, il a dit, alors qu'il ne l'a jamais rencontré. D'accord ? إنما يعتبر من التابعين. Donc il fait partie des tabi'in. والذي لقيه ولم يؤمن به فهذا ليس بصحابي. Celui qui l'a rencontré mais qui ne croyait pas en lui, n'a pas cru en lui, ce n'est pas un compagnon. Pourquoi ? لأن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. Les mushrikin comme Abu Talib, comme Abu Lahab, comme d'autres encore, ils ont rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم mais ils n'ont pas cru en lui. D'accord ? Donc ça ne fait pas d'eux des compagnons. والذي لقيه وآمن به ثم ارتد بطلت صحبته. Celui qui l'a rencontré et qui a cru en lui, puis il a apostasié. Ertadda, il est revenu sur ses pas, il a apostasié, il est sorti de l'islam. Son caractère de compagnon, le mérite qu'il a comme étant le fait qu'on dit que c'est un compagnon, il s'annule. إذا مات على الردة سي مور سور لابوستازي داكور اما لو تاب الله عليه ورجعت صحبته par contre s'il meurt par contre s'il se repent plutôt Allah il accepte son repentir, ça veut dire si la personne elle rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle croit en lui, elle vit ensuite elle apostasie, elle sort de l'islam et elle revient à l'islam et elle meurt sur l'islam, il dit son le caractère de compagnon revient. Il y a une divergence là-dessus. Et ce qu'il cite ici, le Cheikh Fawzan Ikhtar, Hada, il cite que c'est un compagnon. Wali Hada Yakul al-Hafid ibn Hazar, Rahimahullah Ta'ala. Comment il s'appelle ibn Hazar ? C'est quoi son prénom ? Abou l'Abbas. Non. Abou l'Abbas, c'est ibn Taymiyyah. Il a le même prénom, pas la même kunya. Ibn Hazar s'appelle Abou al-Fadl. Abou al-Fadl, comme Suyuti. Suyuti il aimait beaucoup Ibn Hazar, peut-être c'est pour ça qu'il a choisi la même kunya. Abu al-Fadl Ahmed Ibn Hazar. Ahmed Ibn Ali Shihabuddin. D'accord, Ahmed Ibn Hazar. L'Asqalani, il est mort quand Ibn Hazar? Déjà il était de quelle école lui? Quelle école juridique? Shafi'i. Shafi'i, comme Nawawi. Nawawi qui a fait Riyad Salihin. Les Shafi'i, tous les deux. Ibn Hazar, non? L'année. Peut-être. Il est à Tahfaz. Non, tu étais après 852. Tu vois, 852. Il est né en 773. Il est mort à la fin de l'année 852. Il est mort. Attends, tu fais Mas. Abu al-Fadl Ahmed Ibn Ali. On ne met pas trop de noms comme ça. S'appelle Ahmed ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmed Shihabuddin Abu al-Fadl ibn Hazar al-Asqalani al-Shafi'i. قال والذي لقيه وآمن به ثم ارتد نويدي ولهذا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النخبة dans son livre النخبة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. C'est ça le titre du livre en entier. C'est pas un livre, c'est 3 pages. D'accord. Al-Nukhba. Hein? Trois pages. C'est un poème, lui, il a fait, c'est un poème. Non, c'est du. Après, il l'a mis en poème. C'est du. C'est San'ani et d'autres qui ont fait Qasab al-Sukkar, fi Nadm Nukhbat al-Fikr, fi Mustalah al-Athar, en 200 vers à peu près. Il y en a qui ont fait de la poésie après, mais sinon, à la base, Nukhba, c'est trois feuillets. T'hafadam. Inch'Allah. Fi Ta'rif al-Sahabi. Sur la définition du compagnon. Il a dit, Ibn Hazar rahimahullah ta'ala, il a dit, من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. نخبة الفكر مع شرح ملا علي القاري. Donc il dit, la définition, Ibn Hazar rahimahullah, il dit, la définition du compagnon, c'est quoi? Celui qui a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم, qui a cru en lui et qui est mort sur cela, même si entre temps il a apostasié sur la parole la plus juste. C'est-à-dire quelqu'un qui l'a rencontré, il a cru en lui, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, et lui il a apostasié, soit dans la vie du prophète ou après sa mort, après la mort du prophète, il apostasie une durée, ensuite il revient à l'islam, et il meurt sur l'islam, et il dit c'est considéré comme un compagnon sur la parole la plus juste. Et Cheikh Najmi, l'autre fois, il avait cité le nom de quelqu'un qui était dans ce cas-là. Yani fi asahhi qawli al-ulama, sur la parole la plus juste des deux paroles des savants. Qawli, ça montre qu'il y a deux paroles. طيب قال القول الثاني انها انه تبطل صحبته ولو تاب. Il dit, il y a d'autres savants qui disent que il est plus considéré comme compagnon cette personne-là même s'il se repent. لأن الردة تبطل الأعمال التي تبطل. Parce que l'apostasie, elle rend vain les actes de la personne. Hein? Les actes qu'il a fait avant d'apostasier, ces actes ils deviennent nuls. طيب. Il y a des خلاف بين العلماء. Non. La parole n'est pas générale. Dans le sens le fait d'apostasier, ça nulle tout ça. Elle n'est pas générale par rapport à quoi? Quelqu'un qui apostasie. Tous les actes. Lekin Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il a choisi dans la marque de l'islam? C'est que ses actes ils reviennent s'il revient à l'islam. À cause du verset dans le Baqara, وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Quiconque apostasie de sa religion et meurt mécréant. Il dit quelqu'un qui revient à l'islam et il meurt musulman, il n'est pas considéré dans ce cas-là. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. La fin du verset, ce sont ceux-là que leurs actes ils sont devenus nuls. Tu vois? Wallahu a'lam. Allez, tous les gens choisissent le qawl al-awwal. Beaucoup, ils approuvent la parole de Hafid rahimahullah. قوله القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون والأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين. Donc قوله, sa parole. La première génération pour qui il a été envoyé les premiers parmi les مهاجرين et les أنصار, ceux qui ont prié vers les deux قبلتين. المهاجرون مقدمون في الذكر على الأنصار. Les مهاجرين, ils sont évoqués avant الأنصار. فدل على أن المهاجرين أفضل. بفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل. Ça montre que les émigrants, ceux qui sont partis de la Mecque, ceux qui sont émigrés plutôt, émigrés, hein? Les deux, hein? Ils sont meilleurs parce qu'ils ont fait cet acte en plus. Ils ont le hijra en plus. Ils ont émigré, ils sont partis de la Mecque. Ils ont délaissé leur ville, leur pays, leur contrée, leur richesse. Wallahu جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات. الله يسيت المهاجرين avant الأنصار dans beaucoup de versets. Il commence d'abord par المهاجرين ensuite الأنصار. كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Il a cité dans ce verset les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires. Les émigrés c'est le مهاجرون, ça vient de Hijra, et الأنصار donc c'est les auxiliaires, les Médinois. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Verset 8, sourate 59. Il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah. Et Allah, à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Ça, c'est le verset sur le muhajirin. Ensuite, le verset suivant, il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays. Il parle de l'ansar. Il parle des médinois. Donc, il a commencé par le muhajirin. Ensuite, l'ansar. Il a dit le verset suivant, le verset 9, dans le surat 59. Il y a dit l'ansar. Donc, il cite les émigrés. Les émigrés avant les auxiliaires. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. Surat 9, verset 117. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires. دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. Ça montre que les émigrés, ils sont meilleurs que l'Ansar. والأنصار جمع أنصاري. Ansar, c'est le pluriel de أنصاري. وهم المؤمنون من الأوس والخزرج. Qui sont les croyants parmi l'Aus ou l'Khazraj, les tribus qui avaient à Médine. Ahlul Madina, les Médinois, alladhina bay'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi bay'ati al-Aqaba, qui ont fait pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bay'ati al-Aqaba. Donc ça s'est passé ça à la Mecque, à Mina. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait, quand les Médinois ils venaient faire leur pèlerinage, il allait, il les prêchait. Hein? Ça c'était avant bay'ati al-Aqaba al-Ula wa al-Thaniya. Pacte d'allégeance de l'Aqaba al-Ula ou al-Thaniya, comme on a vu dans Mukhtasar Zad al-Ma'ad, les cours de la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était ça s'est passé avant l'émigration à Médine, à la Mecque. Wa hajara ilayhim sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré vers eux. Wa nasaruhu wa azaruhu wa awawahu. Nasaruhu, ils l'ont secouru. Et ils l'ont secouru. Wa azaruhu, ils l'ont soutenu. Wa awawahu, c'est-à-dire qu'ils lui ont accordé refuge. Voilà, ils l'ont accepté chez eux. Voilà, ils l'ont hébergé. Wa awaw as-sahaba radiyallahu anhum ma'ah. Et ils ont hébergé avec eux les compagnons qui étaient avec lui. Qala ta'ala fihim alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Fini. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Donc le verset de sourate 59 verset 9. Il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays à Médine et dans la foi et qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Comment l'a traduit Yoka ? Comment l'a traduit Yoka ? Se prémunit. Le parti l'a fait à quel moment, cela ? Quand ils sont tous partis de... Hada, c'était en l'an 6, Al-Hudaybiyah. Ça, c'est autre chose, ça. Ah, parce que Cheikh a dit la bay'at al-Ridwan au début. Et maintenant, il a dit la bay'at al-Aqaba pour pas qu'il mélange. Le Ridwan, c'est avant l'Aqaba. Là, largement après. Bay'at al-Ridwan, bay'at al-Hudaybiyah. Hudaybiyah qui a assisté, il y a un khilaf, il y en a qui disent 1300, 1400, 1500. Ibn Kathir, il cite, Allah Alim dans son tafsir, 1400 compagnons qui ont assisté. Le verset qu'on a cité avant. Ah ah, l'Aqaba, c'était avant l'émigration. Moins zéro, si tu veux. Avant qu'ils émigrent. Le verset Bay'at al-Ridwan, pour ne pas mélanger tout. Laqad radiyallahu anil al-mu'minin. Allah a très certainement agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. C'est ça, Bay'at al-Ridwan. Hein? Deux, la prestation du serment eut lieu à Hudaybiyah, près de la Mecque. En an 6. En an 6, oui. Et l'Aqaba, c'est aussi près de la Mecque. L'Aqaba, c'est avant. Avant la... Avant la Hijra. Avant la Hijra, non. C'est à Mina. Aqaba, là où il y a Jamrat al-Aqaba. Voilà, là où il y a la stèle. À côté, il y avait une montagne. Et là-bas, ils ont fait certains compagnons. C'est ici, il parle de l'Aqaba maintenant, oui. En fait, il dit les Médinois. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit les Médinois, ils venaient à la Mecque pour faire leur pèlerinage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il allait là-bas, il prêchait. Hein? La première année, il y a quelques personnes qui lui ont fait pacte d'allégeance. La deuxième année, plus. Donc il s'est fait connaître auprès d'eux, ensuite il a émigré, il est parti à Médine. De toute façon, ils n'étaient pas nombreux. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de compagnons. Hein. Quelle année ça t'as dit ? Ça c'était avant le Hijra. Un ou deux ans avant le Hijra. Mais c'est déjà parti à Médine, parce que non ? Non. Là, ils sont venus pour faire le pèlerinage. Ah, ils sont venus. Ouais, pour faire le pèlerinage à l'époque de Chèvre. Et lui, il prêchait. Donc il y a eu un ou deux qui ont répondu aux plusieurs. Puis après, l'année d'après, ils ont ramené leur frère et cousin. Et c'est à partir de là qu'ils ont dit qu'on peut t'accueillir chez nous si tu veux. C'est quelle année ça là ? Au Galik. Un ou deux années avant l'Hijra. Avant l'Hijra. Quelle année ça là ? On n'a pas l'année exacte. Ah, tu l'année, c'est parti déjà. Eh ouais. Voilà. Ah waouh. Azaro, on a dit le mot Azara, ce qu'on a cité depuis avant, le wazir. Ils l'ont soutenu. Et waouh. Ils lui ont accordé refuge ou bien ils l'ont hébergé. Je sais, le pacte sous l'arbre, c'était avant qu'il fasse le pacte avec le roi. Il faut après. C'est le même, mais. C'est le même événement. Comme tout. Là, le cheikh, il est en train de définir c'est qui le muhajirin, c'est qui l'ansar. C'est pour ça qu'il est rentré là-dedans. Jam'u ansari, c'est qui l'ansari? Les croyants de l'Aus ou le Khazraj. C'est qui ces gens-là? Les habitants de Médine. Qui ont fait pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi bay'at al-Aqaba. Notamment, les premiers qui ont fait ça, c'est ceux qui lui ont fait pacte d'allégeance à l'Aqaba, donc à la Mecque, à Mina. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a émigré chez eux. D'accord ? Ils l'ont soutenu, ils lui ont accordé refuge. Et les compagnons qui sont venus avec lui, pareil. Ensuite, il a cité le verset qui montre ça, l'Ansar. Parce que le verset sur l'Ansar, c'est comme il a cité, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés à Médine, dans la foi. Qui aiment ceux qui émigrent vers eux. Ça, c'est les Médinois. Ils aiment les gens qui ont émigré vers eux. Ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu. Et ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Al-Khassas, ça c'est le faqr. Même si c'est en état de pauvreté extrême, ils avancent l'année pour leurs frères, qu'est-ce qu'ils possèdent. Kanu fil awwal yusammawna al-Aws wal-Khazraj. Au début, on les appelait al-Aws wal-Khazraj. ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار. Ensuite, quand ils ont fait pacte d'allégeance au prophète صلى الله عليه وسلم, comme quoi ils allaient soutenir, l'aider, etc., ils les ont appelés الأنصار, c'est-à-dire ceux qui secourent. أي أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. Ceux qui ont secouru le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc, on a un chapitre après chez Moutol. Comme toi, les frères. C'est clair, non? Tout simplement, il a cité les 10 compagnons, on a dit les 10 compagnons, il ne l'a pas cité ici, mais les 10 compagnons, c'est des Mekwas. Les 10 compagnons promis au paradis, c'est des Mekwas. Et ensuite, il a déterminé qui c'est qui les Muhajirin, c'est qui l'Ansar, en donnant les grades des compagnons les plus forts. Je peux faire un petit résumé. Comme quoi, les Juifs, ils disaient qu'il y aura quelqu'un qui va venir, et pas, c'est un prophète et tout ça, celui qui fait l'alliance avec lui va être vainqueur et tout ça. Et c'est après ça que les autres, quand ils ont fait le pèlerinage, ils ont vu le prêche du prophète, ils ont dit ça doit être lui, on va être les premiers à l'avoir parmi nous. Salman le père, Salman le père, c'est Salman, c'est par la suite. Par la suite, Salman. Il a une histoire en route aussi, comme ça, par rapport à ça. Salman, lui, il a entendu parler de son pays, Salman, une force. Tu vois, il a vendu ce qu'il avait, il a pris un bateau et il est venu le voir jusqu'à ce qu'il atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il est venu de son pays. Allahu alayhi. Yani lui, c'est parce que le tanaza'u al-sahaba par la suite. Ils ont dit Salman, les muhajirin, ils ont dit Salman, il est à nous. Ansar, ils ont dit Salman, il est à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Salman, minna. Salman, il fait partie d'Ahl Bayt. Il est ni au muhajirin, ni à l'ansar. Laissez-le. Wallahu alam. Inch'Allah, on s'arrête là. Frère, vous rajoutez quelque chose? On continuera la semaine prochaine. Il va rentrer sur le détail sur les compagnons, justement. Détailler sur les compagnons. Il dit ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك وأكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحد منهم إلا بخير. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال سفيان بن عيينة من ننطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. يقرأها كم سامو سيكس كم با. Ensuite, les meilleurs des gens après eux sont ceux qui ont accompagné le messager d'Allah un jour, un mois, une année, moins ou plus que cela. Qu'Allah leur accorde à tous sa miséricorde. Nous mentionnons leurs bienfaits et gardons le silence sur toutes leurs erreurs. Et nous ne parlons pas sur l'un d'entre eux, si ce n'est dans le bien, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. Quand la mention, le rappel, de mes compagnons se fait, qu'il ne se fasse que dans le bien. Aucun idée a dit. Qui porte sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un seul mot critique ou autre contre eux, fait partie des gens de la passion, de l'innovation. Voilà. On verra ça, Inch'Allah, semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire le corrigé de l'interro, Inch'Allah. Allez, cool, on verra ça, Inch'Allah. Tu le fais sur place ou tu le corriges? Eh, ah, ouais, mais il déroule le corrigé, ma badana aussi. Ça, le corrigé, ma badana. Hada wallahu alam, sallallahu alayhi wa sallam, ala nabiyyina Muhammad, ala alihi wa sahbihi ajma'in.